Drops 87, aka Milan. Août 2007, tout a commencé, la journée tu nous as quitté. T'as décidé de partir sans jamais revenir. Tu nous aimais pas vu grandir, t'es parti avec un sourire. T'as décidé de faire souffrir la main que j'ai élevée. Pendant que tu t'es sauvé, la main nous a élevé. Elle nous a appris marcher, à parler, puis même à manger. Tout ça pendant que toi tu t'es sauvé. Mais moi je peux te dire que c'est à ton tour de payer. T'as jamais appelé pour donner un signe de vie. Mais moi je te dis que je t'oublie pour le restant de ma vie. Pourquoi t'as fait ça à Martin, à Yannick, puis même à Annie? Pourquoi t'as fait ça, c'est une famille? Sérieux, dis-moi la vérité, pourquoi tu nous as quittés? T'es parti quand j'étais juste un bébé. Mais je dois t'avouer que toi et moi c'est terminé. Même si ça jamais commencé, je te dis c'est terminé. Sérieux, dis-moi la vérité, pourquoi tu nous as quittés? T'es parti quand j'étais juste un bébé. Mais je dois t'avouer que toi et moi c'est terminé. Même si ça jamais commencé, je te dis c'est terminé. J'ai jamais eu de cadeau, tu m'en dois un gros. J'ai jamais dit je t'aime, je te dirai jamais. Parce que j'ai trouvé mon père, puis il reste avec moi, puis ma mère, puis mon frère, puis ma soeur. C'est peut-être mon beau-père, mais je le constate comme mon père. Après 9 ans, je peux dire que c'est mon père. Lui au moins, il m'a jamais laissé tomber. Il était toujours là pour me supporter après toutes ces années. Sérieux, dis-moi la vérité, pourquoi tu nous as quittés? T'es parti quand j'étais juste un bébé. Mais je dois t'avouer que toi et moi c'est terminé. Même si ça jamais commencé, je te dis c'est terminé. Sérieux, dis-moi la vérité, pourquoi tu nous as quittés? T'es parti quand j'étais juste un bébé. Mais je dois t'avouer que toi et moi c'est terminé. Même si ça jamais commencé, je te dis c'est terminé. Puis quoi dire de ma mère? C'est peut-être la meilleure sur la terre. Puis quoi dire d'autre si ma grand-mère? Elle m'a élevé avec ma mère. C'est peut-être les meilleurs sur la terre. Eux au moins ils m'ont jamais laissé par terre. Je peux te dire que s'ils seraient partis, eux aussi moi je serais pas là aujourd'hui. C'est les deux femmes de ma vie. Puis je peux te dire que je les aime en esti. Arrête de faire tes foleries. Esti de crotter, reviens même pas. Sérieux, dis-moi la vérité, pourquoi tu nous as quittés? T'es parti quand j'étais juste un bébé. Mais je dois t'avouer que toi et moi c'est terminé. Même si ça jamais commencé, je te dis c'est terminé. Sérieux, dis-moi la vérité, pourquoi tu nous as quittés? T'es parti quand j'étais juste un bébé. Mais je dois t'avouer que toi et moi c'est terminé. Même si ça jamais commencé, je te dis c'est terminé. Sérieux, dis-moi la vérité, pourquoi tu nous as quittés? T'es parti quand j'étais juste un bébé. Mais je dois t'avouer que toi et moi c'est terminé. Même si ça jamais commencé, je te dis c'est terminé. Yo, haha, yeah, Drops 87, aka Millette, à août 2007. J'ai fait ce track là sur mon père, parce que t'as décidé de laisser moi, ma mère, mon frère, ma soeur par terre, man, nous abandonner, man. J'espère que tu vas l'entendre, ce tune là, man. Drops 87, aka Millette. Sérieux, dis-moi la vérité, pourquoi tu nous as quittés? T'es parti quand j'étais juste un bébé. Mais je dois t'avouer que toi et moi c'est terminé. Même si ça jamais commencé, je te dis c'est terminé. Sérieux, dis-moi la vérité, pourquoi tu nous as quittés? T'es parti quand j'étais juste un bébé. Mais je dois t'avouer que toi et moi c'est terminé. Même si ça jamais commencé, je te dis c'est terminé.